Selon News 1 sud-coréen, on constate à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis l'intensification de la campagne de collecte de signatures réclamant à l'administration américaine l'abolition de la décision sur la disposition de SAT en Corée du Sud, commencée le 15 juillet à travers la page Internet de la Maison-Blanche. Jusqu'au 10 août, plus de 103 250 personnes ont participé à la campagne.